Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Défaut à Versailles, titrait la Tribune de l'Art du mercredi 8 juin 2016. Fausse grille, fausse fontaine, fausse entrée d'hôtel, à tous ces faux assumés et revendiqués, le château de Versailles a-t-il ajouté à 4 reprises, entre 2009 et 2012, l'achat de faux meubles pour un montant total évalué à 2 millions d'euros. Bonjour Jean-Louis Gaillemin. Bonjour. Trop beau pour être vrai, le faux dans l'art, là, de la tiare du Louvre aux chaises de Versailles, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Le Passage. Et dans cet ouvrage, il est question de ces faux à Versailles. Mais avant d'évoquer cette question des faux à proprement parler, il faut nous rappeler dans quelle mesure le château a été recréé dans un style vrai-faux. Absolument. Le château, comme vous le savez, a été pillé. Tous les meubles du château, tout l'intérieur du château a été vendu sous la Révolution, les fameuses ventes révolutionnaires. Et Louis-Philippe a remeublé le château. Il en a fait, lui était témoin de l'Ancien Régime, il avait connu la cour. Donc il s'est permis de reconstituer les appartements royaux, de transformer le reste du château en musée. Et à la fin du 19e siècle, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce que ça serait pas beaucoup plus intéressant de remeubler le château tel qu'il était en 1789? Donc à l'origine de tout ça, un mythe, restituer l'état d'origine avant la Révolution. Donc, on a affaire à un château qui est un vrai faux. Quelques années plus tard, de nombreuses années plus tard, Jean-Louis Gaillemin, on décide de compléter en quelque sorte l'intérieur du château. Dans quel contexte, rappelez-le-nous? Alors, si vous voulez, tout ça vient des recherches scientifiques, des historiens d'art de l'époque, dont Pierre Verlet. L'idée, c'est, je le cite, « On comprendra peut-être un jour l'intérêt qu'il y aurait à reconstituer avec exactitude et magnificence. » Exactitude et magnificence, ça veut dire que historiquement ça soit vrai et que ça soit somptueux. Donc ça, c'est l'idée, c'est le rêve de Monsieur Pierre Verlet, qui a été ensuite celui de le rêve de Versailles. Mais Pierre Verlet, continuant ses recherches, s'est aperçu qu'il n'y avait quasiment aucun meuble du XVIIIe siècle qui était resté intact. Ils avaient tous été transformés, tous adaptés, tous refaits. Et dit-il même dans sa phrase, un peu comme ce que l'on reproche aujourd'hui aux plus habiles faussaires. Donc vous voyez, dès le début, il y a une sorte de parallélisme entre la vision de reconstitution fausse du château de Versailles et l'activité des faussaires. Donc petit à petit, ce sont organisés dans Versailles deux cliques. Il y avait donc les Verlétiens qui acceptaient plutôt d'avoir recours à la copie, puisqu'on peut pas retrouver les meubles d'origine, et les Van der Kempiens, c'est-à-dire Gérald Van der Kemp, qui lui, au contraire, a joué le jeu de la reconstitution d'avant 89, tout en se permettant des fantaisies insensées. Par exemple, donnez-nous des exemples, parce que apparemment, c'était assez, je vais oser un mot, c'était assez kitsch, Jean-Louis Gaillemin. C'était totalement kitsch. C'était le kitsch des années 60-70. C'est le kitsch de l'époque, si vous voulez. La chambre de la reine a été quasiment entièrement refaite à partir d'éléments anciens, bien sûr. Le lit est moderne. Le lit a été fait par un sculpteur italien avec des dorures épouvantables. Les soieries ont été refaites à Lyon. Donc c'était des faux. Et dans la grande galerie, dans la galerie des glaces, vous aviez des girandoles en matière plastique, des copies de meubles également en plastique, et au plafond, comble de l'horreur, on avait mis d'horribles, ils y sont toujours d'ailleurs, d'horribles lustres du faubourg Saint-Antoine, qu'on ne mettait à l'époque, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, qu'à l'occasion d'un dîner, à l'occasion d'une fête. Et du coup, ces lustres qui donnent l'impression d'être dans un château habité ne font qu'abîmer les proportions et la beauté du lieu. Bon, bah alors, au moins, ça avait un intérêt, Jean-Louis Gaillemin, c'est qu'à l'époque, quand on achetait du faux, on savait que c'était du faux. Les choses se sont un peu gâtées après. Je rappelais l'interrogation sur la présence de faux à Versailles de Didier Rickner, que vous citez. Et là, on est en 2016. Qu'est-ce qui se passe à cette époque? Pourquoi cet homme pose-t-il cette question? Eh bien, en fait, petit à petit, effectivement, à partir des années 2000, cette obsession, si vous voulez, de la reconstitution, il y avait un conservateur qui dit « Nous sommes à l'affût, nous sommes en permanence à l'affût ». Donc le chasseur qui est à l'affût dans un bosquet, il suffit que ça bouge quelque part pour qu'il tire. Donc le moindre meuble, le moindre siège qui pouvait apparaître sur le marché, que ce soit à l'hôtel de Rouault ou chez un antiquaire, Versailles se précipitait dessus, surtout qu'avec les lois récentes, notamment à Yagon, les grandes entreprises peuvent donner de l'argent qui est soustrait de leurs impôts, donc c'est toujours évidemment le contribuable qui paye. Donc beaucoup d'argent, un désir inouï de reconstitution complètement fallacieux, et les historiens d'art intelligents, les faussaires intelligents, se sont mis là-dessus. Ils ont compris qu'on cherchait ce qui manquait et ils l'ont fait fabriquer. Ils l'ont fait fabriquer comment? Comment fabriquer un meuble ancien ou comment adapter ou remodeler un meuble ancien? Ben, on va faire un petit tour au Faubourg Saint-Antoine pour voir de bons artisans, les meilleurs artisans de France, comme Michel Desnoux, qui est effectivement un meilleur artisan de France. Donc les meilleurs artisans de France, comme Michel Desnoux, qui travaillait pour le château d'ailleurs, qui avait un chantier au château. Il était chargé de refaire le lit soi-disant Louis XV, Louis XVI. Vous voyez, déjà, on ne savait pas très bien de quoi il s'agissait. Là, il était payé officiellement, c'était un excellent artisan, et en même temps, il travaillait par l'intermédiaire de Bill Palot pour le château en faisant des faux meubles qui ont été achetés. Mais alors, justement, c'est ça qu'il faut que vous nous expliquiez, parce que le fait que le château de Versailles achète de faux meubles, c'est un peu comme si vous nous expliquiez que la Banque de France achète des faux billets. Comment réussit-on à faire de faux meubles qui puissent passer pour des vrais, Jean-Louis Gaillemin? Eh bien, tout simplement, on va faire un tour dans les écrits des spécialistes. On va voir chez Monsieur Verlet, on s'aperçoit que telle commande, il y avait 8 chaises, il n'y en a plus qu'une seule qui existe. Elle est arrivée au château par Dacion, c'est la fameuse chaise Rothschild, par exemple, les chaises du Belvédère, les 2 chaises à 4 millions. Et on sait donc qu'il en existe d'autres dans des musées américains ou ailleurs, et on sait qu'il en manque 3 ou 4. Eh ben, on va les faire. On va les retrouver. Mais alors, puisqu'on en a quand même une partie, est-ce qu'il n'est pas possible de comparer entre les chaises qu'on a et celles qu'on vous propose à la vente? Je répète la somme parce que lorsque je l'ai lu dans votre ouvrage « Trop beau pour être vrai », je savais même pas qu'on pouvait payer si cher des chaises, une paire de chaises, donc à 4 millions d'euros. Exact. Donc, alors effectivement, elles ont été comparées. Enfin, un des conservateurs de Versailles nous explique qu'après avoir classé Trésor National, parce que finalement, Versailles ne les a pas achetées, c'était trop cher, 4 millions quand même. Donc, elles n'ont pas été achetées par Versailles, mais elles ont été classées Trésor National pour les empêcher de sortir de France pendant 2 ans. Ce qui les a anoblis d'une certaine façon. Évidemment. Ce qui les a consacrés, royalisés. C'était un fou qui n'avait pas le droit de s'enfuir. Voilà, donc... Et elles ont été proposées ensuite à un amateur, à un collectionneur privé. Mais alors quand même, parce qu'on se dit, alors moi je n'y connais absolument rien, mais on se dit qu'il y a de la peinture, des dorures, du bois, bref, qu'on est quand même capable de se rendre compte si on a affaire à un meuble du Faubourg Saint-Antoine comme chez nos grands-mères ou à quelque chose. Eh bien apparemment, il y a un effet d'aveuglement. Il y a un effet d'aveuglement. Racontez-nous cet effet d'aveuglement. Quand on attend quelque chose avec impatience, avec désir, avec fureur, quand on est un chasseur à l'affût, il suffit de rien pour qu'on y croie. D'ailleurs, c'est le problème des leurres, c'est le problème des attrapes, c'est le problème des petits canards en bois qu'on fait flotter sur l'eau. Par exemple, quand on a retrouvé un fauteuil pour la méridienne de Marie-Antoinette, le Saint des Saints de Versailles, la retraite privée de Marie-Antoinette, un des conservateurs a dit... La qualité et les moindres détails de son décor sculpté sont en parfaite adéquation, en harmonie avec les 2 fauteuils versaillais. Donc, on ne regarde même pas. Enfin, on regarde, mais on regarde mal, puisque quand ces chaises dont nous parlons ont été mises en question, il a suffi d'une demi-journée pour un spécialiste se rendre compte qu'elles étaient fausses. Comment on fait? Parce que là, il y a peut-être des auditeurs que ça intéresse, eh bien, s'ils par veulent exemple, acheter des chaises 4 millions d'euros qui s'achètent au moins. Alors... Les chaises en question étaient censées provenir du belvédère. Le belvédère a un sol en marbre, par exemple. Donc les chaises, le bas des pieds aurait dû être un peu abîmé, un peu modelé. Et puis on s'est rendu compte ensuite que la poussière qui s'inscrit dans les pliures, dans les fentes de la peinture, avait été mise à l'envers. Donc là, c'était une fausse poussière qui avait été mise dans le mauvais sens. On a enlevé un petit joint, on s'est rendu compte que la chose avait été collée par une colle qui n'existait pas au XVIIIe siècle. Enfin, vous voyez. Donc, à partir du moment où on a un doute, on regarde. Quand on a un doute, on regarde et on voit les défauts. Mais quand on n'a pas de doute, on regarde et on ne voit rien. Mais alors, vous racontez, Jean-Louis Gaillemin, dans votre livre « Trop beau pour être vrai », que ça n'est pas les seuls meubles pseudo-authentiques que le château a acheté. Vous dites, en 2011, le château achète un bureau pour Marie-Antoinette, un bureau de Riesner pour Marie-Antoinette. Alors, il l'achète 6,75 millions d'euros, ce qui est bien, ça fait un peu plus de 10 avec les deux chaises. Acheter moins cher, un voilà. peu Et alors, il avait été acquis il y a une dizaine d'années à Drouot par une galerie pour 3,7 millions de francs, ce qui représente donc une assez belle culbute. Et vous dites que ce bureau laisse à désirer en matière d'authenticité, ça veut dire quoi ? Oui, parce qu'il avait été transformé au XIXe siècle par la famille Rothschild en une sorte de bonheur du jour, vous voyez, donc un bureau avec des casiers. Donc il avait été transformé, comme on le raconte Vernet, comme tous les meubles, il avait été transformé par les nouveaux propriétaires au XIXe, et les marchands qui avaient acheté à Drouot avaient détransformé, donc dérestauré, donc ce n'était pas un meuble... Ce n'était pas un meuble d'origine, dans son état d'origine. Ça n'était pas un meuble qu'on pouvait qualifier d'authenticité. Mais voilà. Alors, si on se résume, Jean-Louis Gaillemin, donc, il y a les choses fausses à Versailles. Bon, ça, au moins, c'est faux. Et puis, alors, il y a le vrai qui est, en fait, du faux. Il y a le vrai dont on peut être sûr quand on est sûr d'une provenance, quand on peut suivre l'évolution d'un meuble, on peut parler d'un meuble authentique. À ceci près que le meuble a pu lui aussi subir des accidents, des restaurations et des choses comme ça. On peut pas demander à un meuble d'être dans son état d'origine deux siècles après puisque c'est quelque chose qu'on utilise. Donc c'est un objet d'utilité. Si on essaye de se résumer, parce que il y a beaucoup d'exemples qui vont donc de Léonard à Versailles, en passant par la tiare du Louvre, dans votre livre « Trop beau pour être vrai », vous expliquez qu'il faut, pour qu'il y ait un faux, un couple entre donc un faussaire, alors là on a une pelletée de faussaires qui ont gagné apparemment beaucoup d'argent, bon ça s'est mal terminé, mais qui en ont gagné en tout cas momentanément, et puis une personne dupe, qui a parfois même envie d'être dupé. C'est comme ça que ça se passe ? Absolument. Il y a une sorte de désir, comme je vous parlais du désir de retrouver des meubles authentiques, l'idée que sur ces chaises, la robe de Marie-Antoinette avait pu effleurer ces chaises, évidemment, rendait la chaise une sorte de relique. Donc quand on en est au niveau de la croyance, quand on attend quelque chose, quand on le veut, eh bien, un faussaire intelligent va vous le fournir et vous allez tomber dans les pommes. Vous allez dire, mais j'ai jamais vu, par exemple, un tableau de Vermeer. Le grand spécialiste de Vermeer dans les années 30, il dit, je n'ai jamais vu un Vermeer aussi beau, en aussi bel état. Bah, évidemment, il dit lui-même, on croirait qu'il sort de l'atelier. Mais oui, monsieur, il sort de l'atelier. Et il ajoutait, je n'ai jamais vu un tel sentiment dans ce tableau. Bah oui, puisque vous en cherchiez un, donc on vous a mis du sentiment, etc., etc. Donc si vous voulez, ou alors Max Ernst, par exemple, il y a eu des faux Max Ernst récemment. Eh bien, les faux Max Ernst étaient plus goûteux, si je peux dire, au point de quasiment d'une façon un peu culinaire. Il y avait des modelés, il y avait du volume, il y avait de l'érotisme qui n'existait pas dans les Max Ernst originaux. Donc, quand vous avez un Max Ernst dont vous reconnaissez tous les ingrédients, tous les détails, toutes les caractéristiques, et qu'en plus, il a un petit côté plus jouissif, je dirais, eh ben vous tombez dans le panneau. Et alors, ça peut tomber sur les meilleurs peintres. Remarquez, faire défaut de mauvais peintres, ça serait plus difficile à écouler. Léonard, par exemple, dont on parle beaucoup. Alors, Léonard, il y a une petite princesse dont j'évoque l'histoire. Il y a un faussaire anglais qui était capable aussi bien de faire des idoles de Tell et la Marna que un faune de Gauguin en terre cuite. Et il a fait de la prison, il a été inculpé, il a fait de la prison. Et en sortant de prison, il voit un bouquin qui est sorti sur la couverture duquel il y a une soi-disant princesse, una bella principessa de Léonard de Vinci. Il dit, mais c'est moi qui l'ai faite, cette princesse. J'avais 18 ans, j'étais à la supérette de tel endroit et c'était la caissière. Donc, il y a eu tout un mouvement. La Principessa n'a été acceptée dans aucun musée important. Les Italiens ont fait une campagne à la gloire de Léonard pour la montrer quand même, et finalement, ça s'est tombé complètement à l'eau. Donc, la belle princesse caissière de supérette. Le cas que nous avons évoqué pour Versailles, Jean-Louis Gaillemin, est assez édifiant. Qu'est-ce qui me prouve qu'il n'y a pas multitude d'autres faux, je ne sais pas moi, au Louvre, enfin dans des endroits où normalement on ne devrait pas... Oui, alors il y a on peut se poser la question, alors certains parlent de 20%, 30%, 10% de faux sur les murs des musées. On ne découvre les faux que quand ils sont découverts. Ils sont découverts comment? À l'occasion d'une transaction financière douteuse, à l'occasion d'une analyse scientifique qui fait que, tiens, comment se fait-il qu'il y ait tel pigment à telle date dans ce tableau? C'est bizarre. Donc on découvre, et c'est l'effet domino, tout d'un coup... on s'aperçoit qu'il y a des faux. Mais Beltracchi, qui prétend avoir fait 300, je pense qu'il en a fait même au moins 500 faux, des tableaux expressionnistes du XXe siècle, les Max Ernst, etc., en plus également, il a été jugé pour 14 tableaux. Parce que c'est les seuls tableaux sur lesquels on pouvait évoquer la bande organisée, etc. En fait, la justice est complètement impuissante devant ces phénomènes et... L'armoire entière de documents sur Beltracchi n'a jamais été examinée par le tribunal. Et alors du coup, je me suis posé la question suivante, Jean-Louis Gaillemin. Je me suis dit, mais bon, finalement, ces chaises dont vous évoquez le destin à Versailles, elles ont maintenant en quelque sorte une importance historique. Est-ce qu'il n'y a pas des faux qui auraient une valeur, alors peut-être pas légale des vrais, mais qui auraient réussi à acquérir une certaine valeur? À partir du moment où on ne les a pas découverts, ou on les a découverts? Non, on les a découverts, puisque oui. Aujourd'hui on sait. Ah oui, il est évident que, d'ailleurs, les faussaires font des faux, par exemple un faux Max Ernst, mais il y a eu maintenant des faux Max Ernst. Donc le faussaire s'est vu... imité par d'autres, et le fameux auteur des faux Vermeer, il y a eu des faux Van Meegeren après sa mort. Et on pense même que c'est son fils qui avait fait les faux de son père. Merci beaucoup Jean-Louis Gaillemin. Trop beau pour être vrai, le faux dans l'art de la tiare du Louvre aux chaises de Versailles. C'est aux éditions du Passage. C'est un très bon livre, et même si on n'a pas envie d'acheter des chaises à 4 millions d'euros, il faut le dire. Superfail a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâché par Théo Gomard à la technique et complètement ruiné par David Jakubowiez à la réalisation. Superfail.